Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Une récente étude parue dans la revue Nature décrit une découverte, celle d'un océan formé sous la surface de Mimas, une lune de Saturne. La vie pourrait-elle se cacher dans les océans subglaciaires des lunes glacées ? Nous sommes presque certains que cinq lunes cachent sous leur surface des océans d'eau liquide. Europe et Ganymède, des satellites de Jupiter, et pour Saturne, Encelade, Titan et maintenant Mimas. Mimas, qui ressemble à l'étoile de la mort dans Star Wars, devient une nouvelle cible pour la recherche de la vie. Contrairement à ce que l'on pensait, ces astres, a priori inhospitaliers, ne sont pas des mondes morts, inertes, mais bien actifs, évolutifs. Ils sont d'ailleurs les meilleurs candidats pour la recherche d'une vie extraterrestre en route vers les mondes subaquatiques de notre système solaire. Lune glacée, avoir l'eau à la bouche. Valérie Lenné, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris PSL et le premier auteur de l'étude parue en février dans la revue Nature. Et Athéna Kousténis, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris PSL à Meudon. Merci à vous deux d'être là avec nous en studio, en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous. Vous pouvez également écouter cette émission tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil @sciencesqfd. Alors comment comprendre la structure interne d'un satellite à des centaines de millions de kilomètres de nous? Quelles sont les conditions qui peuvent régner dans ces océans extraterrestres? Quels sont leurs potentiels exobiologiques? Et qu'espère-t-on comprendre avec les missions Europa Clipper et JUICE? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, à partir de quand a-t-on commencé à se douter de l'existence d'océans subglaciaires dans le système solaire? L'histoire commence avec la sonde Voyager 1, c'est notre archive du jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité la plus étonnante aujourd'hui, elle se passe à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Les photographies que vous allez voir dans un instant ont été prises par la sonde américaine Voyager 1. Et devant ces photographies de Saturne et de ses satellites, eh bien les astronomes du monde entier sont totalement déconcertés. Elles sont d'une excellente qualité, mais elles ne correspondent en rien à ce qu'ils attendaient. Toutes leurs théories sont à revoir et ils ne sont d'accord que sur un point. Ce fabuleux voyage valait vraiment la peine d'être entrepris. Si avec Voyager, on a appris pour l'instant peu de choses sur la composition du corps même de Saturne, en revanche, ces fameux anneaux sont maintenant beaucoup moins mystérieux. En grossissant 1000 fois l'image que nous en avions auparavant, les caméras sont arrivées à montrer pour la première fois une sorte d'entrelacement de l'anneau extérieur. On sait maintenant en outre qu'il n'y a pas 5 ou 6 anneaux distincts gravitant autour de Saturne, mais 100, voire plusieurs centaines, constitués d'une multitude de petits morceaux de glace n'ayant seulement que quelques centimètres de diamètre. L'autre enseignement de Voyager, c'est la découverte de satellites de Saturne encore méconnus, voire inconnus. En tout, 12 à 15 et de taille tout à fait différente, des corps célestes qui, depuis la Terre, ne sont qu'un vague spectre lumineux. Après Dionysse et son aurore bleutée, c'est Rhea et Nimas, troués d'un seul immense cratère de 170 km de diamètre. Un univers chaotique et glaciaire, un monde inaccueillant où les températures sont comprises entre moins 100 et moins 200 degrés. Voilà un extrait du JT de France 3 en 1980. Valérie Lenné, c'est donc avec la sonde Voyager 1 puis 2 que tout a commencé. Oui, tout à fait, parce que au départ, on observe bien sûr depuis la Terre, et ces objets étant relativement éloignés du Soleil, on a tendance à penser que ce sont des objets relativement froids, inactifs, et donc lorsque Voyager arrive, on s'attend effectivement à voir des choses qui ont très peu évolué probablement depuis la formation du système solaire, des surfaces gelées très cratérisées, et effectivement on va obtenir quelque chose de complètement différent. Alors on en a entendu le cas de Saturne, mais on a aussi Jupiter en 1979, pareil, avec la découverte du volcanisme sur Io, etc. Donc c'est vraiment, grâce à ces images, une révolution par rapport à ce qu'on attendait à percevoir à l'époque. Athéna Kousténis, une réaction vous aussi à cette archive? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre, parce que une chose qui me frappe toujours, c'est effectivement, quand on observe de près, on voit jamais ce qu'on attendait. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la recherche, l'exploration du système solaire et ailleurs, c'est que tous nos modèles on les remet à chaque fois à l'épreuve et à chaque fois, on voit des choses qu'on n'attendait pas du tout. Ça s'est passé avec les missions voyagères et toutes les missions qui ont suivi depuis ce temps-là. Galileo, Cassini-Huygens, toutes ces missions-là nous ont révélé des mondes qui n'étaient absolument pas morts, qui étaient absolument actifs. Et au jour d'aujourd'hui, on a l'exemple d'un cinquième, je dirais même un sixième monde, hein, parce que moi, je défends aussi Callisto, qui est un autre satellite qui pourrait aussi avoir un océan. On va justement voir un peu quelles sont ces lunes candidates. Mais d'abord, toujours pour revenir, parce qu'historiquement, on parle de découvertes assez récentes. À cette époque-là, quand Voyager survole Europe, quand on regarde de près, justement, qu'est-ce qu'on voit sur Europe à ce moment-là? Alors en fait, aujourd'hui, on a les exemples des images Galileo. Donc quand il y a le flyby, d'Europe, hein, on avait quand même une résolution qui n'était pas extraordinaire. Et on voyait deux types de zones, des zones qu'on appelait à peu près des plaines, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on ne voyait pas grand-chose, qui avaient l'air relativement lisse, et des zones plutôt chaotiques qui, effectivement, étaient marquées par... si vous voyez des images sur Internet d'Europe, vous verrez effectivement des zones qui sont quelque peu marron. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce sont des fausses couleurs. En été, c'est de la glace, hein, Europe. Donc, en été, sans le voyant, vous pouvez regarder Europe de près, on verra du blanc, de la lumière blanche. Mais, comme à l'époque, on avait des caméras qui étaient aussi légèrement sensibles en infrarouge, eh bien, on avait moyen de montrer à la surface une différence, légère différence de composition. Et donc, vous avez ces deux terrains, des plaines, donc, relativement lisses. Et puis, ces zones chaotiques dont on ne comprenait pas bien de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est une des grandes interrogations que Galileo a pu lever dans les années 90. Oui, alors Galileo, en effet, apporté pas mal d'informations sur ces lunes entre 95 à 2003. Athéna Koustenis, qu'est-ce que ça change, une surface lisse, plus lisse que prévu? Alors, ce qui est extraordinaire, moi, je me sers toujours de ces images de Galileo quand je les montre à des jeunes, que ce soit des élèves, des étudiants ou autres, et je mets à côté les images d'Antarctique. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des morceaux de glace qui, en fait, du fait qu'il y a de l'eau qui est sortie de l'intérieur, ça a brisé la glace, ça a déplacé les morceaux qui sont reconstitués. Et vous voyez exactement la même chose sur Terre en Antarctique. Et vous dites aux gens, voilà, ça c'est une preuve, s'il en est, qu'il y a de l'eau liquide en dessous de la surface d'Europe qui a reconfigurer la surface, et les géologues ont dit, mais ce qu'on voit là, c'est vraiment la preuve qu'il y a de l'eau liquide à l'intérieur de cet objet. Et ça a été vraiment une découverte immense, ça a été la première fois avec la mission Galileo dans les années 1999, ou par là, comme vous venez de le dire. Et puis par la suite, on a donc la mission Cassini qui détecte la présence de geysers à la surface d'Encelade. Oui, au pôle sud, exactement, tout à fait, oui. Bon, là, c'est pareil, donc on se doute. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2016, nous savons qu'il y a un océan global sous la couche de glace d'Encelade. Mais pendant longtemps, lors de la première moitié de la mission Cassini, genre même les deux tiers, la mission Cassini en réalité, eh bien, on ne pensait pas qu'il puisse y avoir un océan global. Donc, on pensait qu'il y avait simplement une poche d'eau liquide sous le pôle sud, à partir duquel, effectivement, vous aviez cette activité de geyser, effectivement. Alors, c'est geyser, comment ça s'explique, ça aussi? Mais on allait, en fait, dans le système de Saturne avec la mission Cassini-Huygens et la cible principale, c'était Titan. Et voilà qu'il y a une petite lune de 500 km de diamètre qui vole la vedette à Titan. Moi, j'étais vraiment très fâchée. À l'époque, j'étais une grande fanatique de Titan. Mais le magnétomètre de la mission nous montre qu'en fait, il y a ces geysers qui émanent du pôle sud d'Encelade et qui, pour la première fois, nous donnent un accès direct à ce qui se trouve à l'intérieur, au-delà des modèles. C'est ça qui est fabuleux, c'est comme les geysers sur Terre, ça vous dit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais vraiment, ces lunes, on a commencé à se dire, ces lunes-là n'ont pas encore dit leur dernier mot sur qu'est-ce qu'elles cachent sous la surface. Alors là, la mission américaine Juno qui a été lancée en 2011, mise en orbite en 2016 et actuellement sur Jupiter, mais uniquement centrée sur la planète. Et dans le futur, on va avoir la mission JUICE de l'ESA, Europa Clipper de la NASA, qui vont entre autres permettre de mieux comprendre le satellite Europe. On y reviendra à la suite de cette émission. Mais d'abord, quels sont les astres dans notre système solaire qui possèdent un océan subglaciaire? Alors, bon, les astres dont on est à peu près certain, vous avez Europe et Ganymède, donc les deux lunes de Jupiter. Effectivement, on peut rajouter Callisto, qui est probable, mais je ne l'ai pas mis parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, c'est un petit peu discuté, mais on peut tout à fait l'envisager, effectivement. Sur Saturne, vous avez maintenant Mimas, Encelade et Titan. Donc, ça, ce sont des résultats de la mission Cassini. Et il est possible que vous en ayez un également sur Dionée. Et enfin, donc une autre lune de Saturne. Et puis enfin, on peut y envisager Triton, une lune de Neptune. Mais en été, on pourrait envisager d'autres lunes de Saturne, puisque Mimas est un océan global. On pourrait se poser la question pour d'autres objets de Saturne. Voilà. Athéna Koustanidis. Tout à fait. C'est une très bonne liste. Et j'ajouterais peut-être aussi des océans anciens, comme par exemple dans Cérès, où on pense qu'il y a eu la possibilité par le passé, comme sur Mars, quand on cherche l'eau, des évidences de vie passée ou de l'eau qui coulait par le passé, il y a aussi Cérès, hein, qui est un grand astéroïde, je dirais. Et donc, du coup, ça peut exister partout, hein, l'eau. Mais alors, quelles sont justement les conditions nécessaires pour qu'un océan puisse exister sous la glace, sous la surface d'un astre, Valérie Lenné? Alors, il faut qu'il y ait une source de chauffage, tout simplement. Évidemment, pour faire fondre la glace, il faut chauffer. Et là, vraiment, on a un point important, c'est que lorsque, on mentionnait tout à l'heure, Encelade avec ses geysers, la raison pour laquelle on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir un océan global sous la couche de glace, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit à la surface où vous perceriez un trou, si vous voulez, où vous tomberiez finalement sur cet océan, eh bien, c'est que il faut pouvoir chauffer ces objets et maintenir cette source de chauffage sur tout l'âge du système solaire, si on suppose que ces lunes datent de la formation du système solaire, ce qui est une autre question. Et les objets comme Encelade, comme Mimas, sont des objets très petits, donc en réalité, ils perdent leur chaleur très vite. Par conséquent, il fallait trouver une source de chauffage dans le cas d'Encelade. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de discussions, hein, vraiment, on est, je me rappelle, au milieu des années 2005-2010, où vraiment, on se posait la question de savoir d'où venait le chauffage. Parce que vous avez, dans ces objets-là, un noyau rocheux, donc on sait que vous avez de la désintégration d'éléments radioactifs qui vont libérer la chaleur. Mais on était capable, quand même, de savoir à peu près la quantité de chaleur qui était libérée. Et on se voyait bien que ça pouvait pas créer suffisamment de chaleur pour conserver cet océan. Et l'autre solution, c'était les effets de marée. Mais à l'époque, on avait une vision des effets de marée qui était très inspirée peut-être du système Terre-Lune et qui ne nous laissait pas envisager qu'on puisse avoir des effets de marée suffisamment forts pour pouvoir effectivement avoir assez de chaleur et conserver ces océans sur la couche de glace. Athéna Koustanidis. Il faut comprendre que nous sommes à 10 unités astronomiques, c'est-à-dire 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. Donc, sur Terre, notre source d'énergie, heureusement, hein, pas tous les jours, mais c'est le Soleil. Là-bas, ce qui arrive, c'est 1/100 du flux solaire que nous avons sur Terre. Et après, le temps d'arriver au niveau de la surface, par exemple, pour des objets comme Titan, dans le système de Saturne, vous récupérez 10% encore de ce 100%, de ce 1/100. Donc du coup, vous voyez, le Soleil, ça ne peut pas fournir la source d'énergie. Et c'est pour ça que, comme le disait Valérie, on se tourne vers d'autres possibles sources d'énergie, comme c'est par exemple les effets de marée et aussi l'énergie chimique qu'on peut avoir parfois au fond de ces océans. Alors donc au club très sélect des lunes glacées qui cachent en elles un océan, on peut donc inclure désormais Mimas, une des lunes de Saturne. Comment a-t-on fait cette découverte et quelles sont les perspectives que cette découverte ouvre? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. Attention, nous sommes en direct sur France Culture avec Athéna Koustanidis et Valérie Lenné. Nous parlons des océans subglaciaires. Nous venons de parler des sondes Voyager qui ont permis de détecter pour la première fois la présence de ces océans, mais aussi de la mission Galileo. Europe fut la première lune dont on a identifié la présence d'un océan de subsurface, comme on dit. Et comment d'autres ont rejoint le club? Votre étude maintenant, Valérie Lenné, votre étude qui est parue dans la revue Nature le 8 février, décrit une découverte, celle d'un océan récemment formé sous la surface de Mimas. Alors Mimas, elle ressemble donc à l'étoile noire dans Star Wars, avec son gros impact de cratère. On considérait que c'est un objet inerte, extrêmement ancien, qui n'a pas évolué depuis sa formation. Quels étaient donc les indices que vous avez creusés? Alors en fait, nous avions une intuition. C'est qu'au départ, nous cherchions à expliquer la formation de la division Cassini. Donc a priori, ça n'a rien à voir. Donc je rappelle ce qu'est la division Cassini. En fait, c'est cette zone de 4500 km de diamètre, hein, qui se trouve entre les anneaux de Saturne. C'est la plus grande division. Ce qu'on appelle la division, c'est une zone dans les anneaux qui réfléchit très peu la lumière. C'est-à-dire pour ça qu'on parle des anneaux de Saturne, parce qu'on a des vides ou des zones très sombres. Et pour expliquer cette grande division, qui avait été découverte d'ailleurs par Jean-Dominique Cassini en en 1675, si je ne dis pas de bêtises, donc ça veut dire, c'est quelque chose de très connu, eh bien, il n'y avait pas vraiment d'hypothèse à l'époque, et nous avions envisagé, en 2010, que ce soit simplement Mimas, qui, eh bien, se soit rapproché de Saturne dans les quelques dernières dizaines de millions d'années, et donc ait poussé par la gravitation, ait ouvert cette division, ce vide, si vous voulez, pour engendrer la fameuse division Cassini qu'on observe aujourd'hui. Alors, c'était envisageable, à condition d'imaginer que très récemment, donc dans les dernières dizaines de millions d'années, eh bien, Mimas se soit mis brutalement à chauffer par effet de marée. Et donc, ça impliquait immédiatement que Mimas ne soit pas la Lune que nous imaginions, c'est-à-dire une Lune, effectivement, qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa formation, froide, gelée, enfin, la vision étoile de la mort. Et au contraire, qu'à l'intérieur, contrairement à ce que sa surface laisse présager, son intérieur soit en plein changement avec cette fusion donc de la glace. C'est comme ça, c'est pourquoi vous avez commencé à étudier le mouvement de rotation de Mimas. Alors, c'est Radouane Tajedine, en fait, qui faisait sa thèse dans notre équipe, hein, qui donc travaillait sur Mimas et a commencé à regarder la rotation. Donc, c'est vrai qu'avec la sonde Cassini, nous avions des images absolument fantastiques des satellites de Saturne, y compris Mimas. Et il faut bien commencer par quelque part. Lui avait commencé à regarder la rotation et s'était aperçu que, en comparant la rotation de Mimas sur lui-même, quand je dis rotation, c'est pas le mouvement de révolution autour de Saturne, c'est bien la rotation de Mimas sur lui-même. Eh bien, en comparant ce qu'on observait avec la sonde Cassini avec les calculs, on s'apercevait qu'il y avait une différence assez significative. Il y avait notamment une oscillation sur le mouvement de rotation qui était beaucoup plus importante que prévu. Et de cela, nous en avions déduit deux possibilités pour l'intérieur de Mimas, qui est assez surprenante. La première, c'était qu'il y avait bien un océan liquide. Alors là, on était plutôt contents. Donc, autrement dit, la couche de glace pouvait glisser sur l'océan et donc expliquer cette oscillation importante. L'autre possibilité étant que l'intérieur soit bien un intérieur froid, rigide, mais auquel cas, il fallait que le noyau de roche soit très allongé. Voilà, donc on avait ces deux possibilités. Et donc pour discriminer une de ces hypothèses, c'est là qu'entre en scène l'étude du mouvement orbital. Et là, vous avez étudié l'effet de rotation de Mimas sur son orbite. C'est ça. Oui, exactement. Donc en fait, la rotation donnait une information et on arrivait finalement avec deux scénarios possibles. Un intérieur froid gelé avec un noyau de roche allongé ou alors un océan global. Et donc, c'est un peu frustrant. Donc on était en 2014 et bon, même si on a fait Science, on était content, mais c'est quand même frustrant. Et donc, eh bien, on essayait de trouver une solution pour pouvoir discriminer parmi ces deux modèles. Et c'est ainsi qu'effectivement, on a eu l'idée de regarder cette fois-ci non pas le mouvement de rotation de Mimas sur lui-même, mais le mouvement de révolution de Mimas autour de Saturne. Et à ce moment-là, ayant en tête ces deux modèles, un intérieur froid rigide avec une certaine distribution de masse dans son intérieur, ou au contraire un océan global avec une autre distribution de masse, eh bien, on pouvait espérer avoir un effet quand même sur le mouvement orbital qui s'est révélé être assez petit. Ça représente une dérive de 10 km sur 13 ans de mission, donc c'est pas énorme quand on sait que le diamètre de Mimas, c'est 400 km. Pour autant, les images de la mission Cassini étaient suffisamment précises pour nous permettre de mettre en évidence ce petit signal. Et c'est comme ça qu'on a pu éliminer l'hypothèse du noyau allongé et confirmer l'océan global. L'orbite de Mimas s'explique par la présence d'un océan global caché sous toute la surface du satellite. C'est donc désormais le seul scénario compatible avec les observations. Athéna Koustenis, de l'eau sous la surface de Mimas, c'est une surprise ? Oh non, on a appris à ne plus être surpris avec les missions spatiales, surtout avec Cassini, parce que, comme le disait Valérie, ils ont utilisé des données d'une mission qui s'est terminée en 2017. Donc, on continue à explorer et analyser les données qu'on a obtenues de cette mission-là. Et je voudrais rappeler aussi que grâce au fait qu'on a vu effectivement des geysers sur Encelade, mais grâce à d'autres mesures et des modèles comme font l'équipe de Valérie, on arrive par exemple à voir, grâce au spin, en analysant les données qu'on obtient aussi par les mesures de gravité, ce qu'on a fait sur Titan. Et c'est comme ça qu'on déduit la présence d'un océan liquide à l'intérieur de la surface qu'on ne voit pas. Donc, c'est pas vrai quand on dit que les scientifiques ne croient qu'est-ce qu'ils voient. Nous, on croit aussi ce qu'on peut déduire avec vraiment une analyse de données et des observations dont on a absolument besoin. Et les missions spatiales qui durent, comme la mission Cassini, pendant 13 ans, c'est un travail qui est en cours et qui restera d'actualité, je pense, pour 3 générations d'astronomes à venir. Donc, on va continuer d'analyser les données sur tous ces objets. Et dans le cas de Saturne, on a effectivement maintenant Mimas, Encelade, il y a Titan et peut-être aussi Callisto. Vous voyez où je veux en venir. Il peut y avoir encore d'autres satellites autour de Saturne ou de Jupiter qu'on va explorer avec les missions en place et à venir. Vous voulez dire que ce phénomène est peut-être encore plus répandu qu'on l'imagine? Tout à fait. Et c'est pas seulement ça. Il y a une extrapolation qu'on peut pas s'empêcher de faire, hein, parce que il y a effectivement tous les autres système qu'on a découvert d'exoplanètes à l'extérieur de notre système solaire. Et quand on cherche dans ce qu'on appelle toujours la zone d'habitabilité traditionnelle, c'est-à-dire à une certaine distance d'une étoile où on a de l'eau au niveau de la surface, et maintenant on trouve tous ces océans subglaciaires, c'est-à-dire à l'intérieur. Et ça nous donne une énergie pour aller chercher aussi des mondes potentiellement habitables bien au-delà des restrictions qu'on avait avant. Alors, autre surprise, enfin, en tout cas, parce que Mimas et son océan, Valérie Lynn, la surprise aussi, c'est quand même que la naissance de cet océan remonterait à moins de 15 millions d'années. C'est un très jeune océan, ça. Oui, tout à fait. Alors, bon, ça, on l'attendait, nous l'attendions, à partir du moment où nous avions envisagé que Mimas soit la raison pour laquelle il y a cette fameuse division des anneaux de Saturne. On savait que ça devait être quelque chose de récent. Donc ça, effectivement, nous l'espérions. En revanche, c'est quelque chose qui est assez, orthogonal à la vision que l'on avait du système de Saturne. Faut bien penser que lorsqu'une sonde spatiale comme la sonde Cassini arrive autour de Saturne et avec des cibles, des projets, etc., on a un certain contexte. C'est-à-dire qu'on a une certaine vision que l'on s'est faite du système, qui est héritée de voyageurs, par exemple, et on va essayer de faire coller les nouvelles données dans ce contexte. Et ce qui est arrivé dans le cas de Saturne, c'est que nous nous sommes aperçus que le contexte que nous avions en tête était complètement erroné. Donc l'une des raisons, c'était notamment les effets de marée dans Saturne, qui est peut-être un autre sujet, mais qui en fait est fortement lié à justement le fait que le Mimas est un océan récemment. Donc ouais, nous avions une vision en fait qui était erronée. Et ça explique pourquoi maintenant Athéna vous dit il pourrait y avoir de l'océan dans d'autres lunes de Saturne, c'est tout à fait vrai. C'est parce que nous avions une vision assez spécifique qui s'était avérée fausse. Mais selon vous également, il est probable que Mimas, ce soit un peu... que Encelade ressemble à Mimas. Comment dire, que c'est peut-être l'étape d'après de Mimas, vous disiez. Oui, alors il faut voir que donc à l'époque de la mission Cassini, nous avions en fait deux lunes qui se ressemblaient beaucoup. Qui se ressemblent toujours beaucoup, a priori, hein, c'est Encelade et Mimas, en ce sens que leur composition est à peu près la même, elles ont à peu près la même taille, elles sont à peu près à la même distance de Saturne. Et il se trouve que vous en avez une qui est comme Encelade, qui a une surface extrêmement lisse avec ce resurfaçage permanent. Et de l'autre côté, vous avez Mimas, la fameuse étoile de la mort, donc très cratérisée, etc. etc. Et c'était considéré un peu comme une forme de paradoxe. C'est-à-dire, on disait pourquoi avez-vous deux lunes qui se ressemblent d'un certain, presque comme deux gouttes d'eau, hein, à peu de choses près, et qui sont tellement différentes. Et là, la réponse que nous avons, c'est juste de dire que non, c'est bien la même lune, mais vue à un stade de son évolution différent. Et donc, à ce moment-là, c'est pour cela que vous avez cette différence. Athéna Koustenis ? On n'insiste pas assez sur le fait, sur deux aspects, la diversité et la jeunesse. Parce qu'en plus de la jeunesse de l'océan de Mimas, on a découvert aussi que les anneaux dont on entendait parler au début de la mission de Saturne sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on imagine. Imaginez quelques centaines de millions d'années, hein, chez nous, ça fait jeune. Et du coup, en fait, toutes les idées, les théories qu'on avait développées pour dire que tous ces systèmes-là, on les connaît bien, c'est des mondes pas actifs, vieux, etc., sont complètement remis en cause, comme le dit Valérie, et ça nous ouvre des perspectives assez intéressantes, je dirais. Mais justement, à propos de jeunesse, ce qui est aussi intéressant avec Mimas, c'est que c'est un océan donc très jeune, ça montre aussi que peut-être les conditions d'habitabilité peuvent survenir assez tard dans l'évolution d'un système. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc Mimas, c'est l'exemple même. On peut aussi se poser la question de l'âge des lunes de Saturne. Donc Athéna parlait des anneaux, qui effectivement sont probablement extrêmement jeunes, donc 100 millions d'années ou 200 millions d'années. Mais les lunes également pourraient être très jeunes. Le fait que Mimas est un océan récent, prouve en réalité que Mimas n'est probablement pas un objet extrêmement vieux, il date pas de la formation du système solaire. Tout simplement parce que pour que vous ayez l'apparition soudaine de cet océan, peut-être on y reviendra tout à l'heure, c'est parce que vous avez d'autres lunes de Saturne qui ont dû perturber le mouvement orbital de Mimas et donc créer justement les conditions de marée intense dans Mimas. Oui, on parle effectivement de systèmes en pleine évolution. Et c'est ça qui est très, très intéressant, moi, je trouve, parce que évolution, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent changer et qu'à l'avenir aussi, un monde peut devenir habitable. Ça ne veut pas dire que dans notre système solaire, tout est figé et qu'on a tout compris. D'ailleurs, la théorie de la migration, hein, qu'on a découvert que très récemment, qui nous explique comment les planètes sont en pleine évolution, en plein mouvement vers leur étoile, c'est quelque chose qui peut aussi expliquer un certain nombre de choses qu'on voit aujourd'hui. Qui sont complètement différentes de ce qu'on avait imaginé par le passé. Justement, par rapport à la découverte de la diversité de ces mondes, là, les caractéristiques supposées de l'océan de Mimas diffèrent des autres océans subglaciaires des lunes de Saturne et Jupiter. Chaque monde sur lequel on découvre un océan est différent. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve Mimas, c'est un monde unique. Mais je dirais que les autres satellites, même ceux qui pour le moment ne sont pas même manifestés avec un intérêt pour l'habitabilité, sont uniques. Par exemple, Titan, il a non seulement un océan liquide sous la surface, mais il a une atmosphère qui ressemble beaucoup à la Terre, avec une atmosphère très dense composée d'azote. Les gens ne se rendent pas compte qu'au jour d'aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, vous respirez de l'azote à 80%, et aussi avec une chimie organique qui est au départ de ce qu'on a comme macromolécules qui ont conduit à la vie sur Terre. Donc nous parlons des éléments qu'on appelle des schnops en langage scientifique, pour dire des nutriments. Et puis après, on parlait tout à l'heure, en fait, des sources d'énergie. Et voilà les trois composantes qu'on regarde en tant qu'astrophysicien, en tout cas, parce que moi, je ne suis pas biologiste, donc je ne peux pas savoir exactement comment on fabrique la vie. Mais voilà ce qu'on cherche dans le système solaire et ailleurs, quand on parle d'habitabilité, c'est de savoir s'il y a de l'eau liquide, par extrapolation, bien sûr, à ce qu'on connaît sur Terre, l'eau liquide, des sources d'énergie et de nutriments. C'est ça dont on a besoin. Et là, on le trouve dans des mondes comme Titan, dont je parlais tout à l'heure. Encelade, dans ces geysers, on trouve aussi de la chimie organique. Il y a des sources d'énergie. Et autour de Jupiter, on va avoir aussi le cas pour Ganymède et Europe. Les schnops dont vous faites allusion. Le petit moyen mémotechnique, hein, c'est l'acronyme des six éléments chimiques principaux qui constituent les êtres vivants. Le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Valérie Lenné, sur justement la diversité, pour revenir aussi hein, sur toute la diversité des mondes océaniques que l'on observe dans notre système solaire. Oui, donc effectivement, on a vraiment des objets relativement distincts. D'ailleurs, d'une manière générale, moi j'assurerais bien Io, qui n'a pas d'océan du tout, mais qui a également un satellite absolument impressionnant. Donc il a à peu près la même distance de la Terre à la Lune, donc il se trouve effectivement à la même distance par rapport à Jupiter. Et contrairement à la Lune, qui est un astre effectivement glacé, froid et avec quasiment aucune activité, là vraiment Io, c'est vous avez des volcans en activité en permanence, une surface qui se renouvelle en permanence. Et effectivement, on a vraiment une diversité sur toutes ces lunes, donc Titan dont parlait Athéna, avec cette atmosphère effectivement qui est assez impressionnante. Enfin, vous avez vraiment une grande diversité. Une atmosphère avec de l'azote, mais pas d'oxygène. Ah, on a un peu de méthane quand même. Ben justement, c'est différent de la Terre, et je trouve que dans les différences, on trouve quand même des moyens d'en tirer des leçons sur l'origine et l'évolution de notre planète, parce qu'il y a des théories qui existent, qui expliquent que la Terre n'avait pas l'oxygène au départ. L'oxygène, c'est quelque chose qui est arrivé avec la vie. Et donc, vous avez un monde comme Titan, qui est une Terre primitive, quelque part à 10 unités astronomiques, donc beaucoup plus loin que notre planète à nous, mais qui nous apprend plein de choses aussi sur l'avenir de notre planète. Bien justement, quelles sont les conditions actuellement identifiées pour que la vie puisse apparaître ? Restez à l'écoute, on répond à cette question dans quelques instants. Noir de tout le sang. Saturne par Aline en direct sur France Culture, car nous parlons des océans sous les lunes de Saturne, mais aussi de ceux sous les lunes de Jupiter avec nos deux invités du jour, Valérie Lenné, astronome à l'Observatoire de Paris, Athéna Kousténis, astrophysicienne directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris PSL à Meudon. On vient de voir qu'il y a des catégories très différentes d'océans sous glaciaire, que tous pourraient avoir des conditions favorables à l'apparition de la vie. Alors concernant le système de Jupiter, on a dit que la sonde Galiléo au début des années 2000 a mis en évidence la présence d'un océan liquide sous la croûte glacée d'Europe, une de ses lunes donc, et on continue d'explorer ces autres mondes avec vous Céline Lausanne, bonjour. Bonjour Natacha. Alors depuis, les analyses ont progressé et on y découvre des mécanismes étonnants, c'est ce que vous avez pu observer au laboratoire de physique de l'école normale supérieure. Et oui, par-delà la couche de glace, on arrive à sonder les phénomènes hydrodynamiques qui animent l'océan d'Europe, notamment les effets du champ magnétique de Jupiter qui semble induire un courant jet dans la zone équatoriale. Alors concernant sa géographie, on connaissait déjà l'existence de geysers au pôle, mais on n'identifiait pas encore la cause des craquelures géantes en surface. Christophe Giesinger, physicien spécialisé dans l'étude des fluides, dévoile le rôle clé de cet océan derrière cette topographie glacée. Voilà, donc là on a un modèle d'Europe très très simplifié, une structure expérimentale qui essaie de modéliser de manière très simplifiée ce qui peut se passer sur Europe en ce qui concerne le champ magnétique. Donc pour cela, il faut d'abord modéliser le champ magnétique de Jupiter qui tourne. Une manière très simple de le faire, c'est d'installer un disque dans la partie inférieure de l'expérience, ici, sur lequel on a inséré une série d'aimants de polarité alternée. Donc le long d'un cercle, on a là ici 16 aimants. Chaque aimant a une polarité opposée à celui qui lui est voisin. Et donc, il faut imaginer qu'on a une sorte de vague magnétique, de champ magnétique, le long de l'azimut. Grâce à ce moteur qui est fixé à ce disque, en dessous, on va mettre en mouvement, comme ceci, le disque. Donc maintenant que j'ai mis en mouvement ce disque, on a donc un champ magnétique oscillant qui a des propriétés assez proches de ce qu'on peut trouver au niveau d'Europe à cause de Jupiter. Pour modéliser maintenant l'océan lui-même, il nous faut un fluide conducteur d'électricité. L'eau salée, ça ne serait pas suffisant parce que la conductivité électrique est trop faible et qu'on ne peut pas reproduire la taille d'Europe. Donc ce qu'on fait, c'est une taille beaucoup plus petite qu'Europe, mais un fluide beaucoup plus conducteur pour compenser. Et donc c'est ce qu'on a ici dans cette seconde cellule qui est posée juste au-dessus des aimants, comme ceci. On a un canal qui fait 2 cm de large sur 1 cm de profondeur. Et donc il va être rempli de métal liquide. Ce métal liquide ici, quand le disque représentant le champ magnétique va être en mouvement, ce métal liquide va essayer de suivre simplement la rotation du champ magnétique et on va créer un océan. Et donc on peut comme ça étudier l'amplitude de l'océan, du jet océanique dans cette expérience, en fonction de la puissance du champ magnétique, de la vitesse de rotation du champ magnétique, et on peut comparer très précisément ces données-là avec ce qu'on observe dans notre modélisation général de l'océan d'Europe sur nos modèles informatiques. On doit beaucoup à la sonde Galiléo, mise en place il y a maintenant de nombreuses années, et qui a fourni les premières indications d'un océan. La sonde Galiléo, elle a effectué des vols en rasemotte d'Europe. Et pendant ce vol en rasemotte, la sonde mesure le champ magnétique. Et puis lorsque la sonde va se rapprocher d'Europe, que la sonde a observé, c'est un pic supplémentaire de champ magnétique. Ça, c'est l'indication qu'il y a un conducteur électrique qui crée ce supplément de champ magnétique. Ça fait de l'induction électromagnétique. Et lorsqu'on regarde les modèles de formation de ce genre de lune, le seul candidat qui est très plausible, c'est un océan d'eau salée. Par exemple, c'est-à-dire on mesure le champ magnétique, c'est pendant un survol. Donc, vous voyez ici, au cours du temps, au cours du survol d'Europe, on a un graphe qui mesure le champ magnétique lors de ce survol. On voit qu'à partir de 13h15, c'est-à-dire quand la sonde est vraiment au voisinage d'Europe, on observe un pic de champ magnétique. Ça, c'est l'indication qu'il y a de l'eau salée, un conducteur électrique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise ça par ordinateur. Et donc, vous voyez, chaque courbe ici, là, de couleurs différentes, ça correspond à un modèle informatique correspondant à une valeur différente de la salinité. Donc vous voyez, cette valeur de la salinité ne colle pas du tout aux données. Donc il faut augmenter. Mais il y a une valeur de la salinité, par exemple la courbe bleue que je montre ici, où le modèle numérique reproduit parfaitement les données expérimentales. Donc ça nous permet d'en déduire la valeur de la salinité. D'ailleurs, de manière intéressante, c'est une salinité qui est assez proche de l'eau salée sur Terre. Une fois qu'on a cette salinité, on peut mettre dans notre modèle l'effet du champ magnétique. Et ce qu'on observe, c'est que pour cette salinité-là... Là, ce sont des cartographies, en quelque sorte. Voilà, donc là, on a des cartographies de l'océan, comme on peut trouver d'ailleurs sur Terre. Oui, comme en plein hémisphère. Ouais. Exactement. Et ce qu'on a eu la surprise d'observer, eh bien, c'est de voir ce phénomène où on a, sous l'effet du champ magnétique de Jupiter, l'eau salée qui réagit de manière très forte et qui va se déplacer dans une direction plutôt à l'équateur. Donc on a une sorte de jet océanique, presque comme un Gulf Stream, on pourrait dire. Un jet stream, par exemple, qui n'est pas du tout créé par des conditions atmosphériques ou océaniques telles qu'on peut les trouver sur Terre, mais par l'effet du champ magnétique. Vous qui étudiez les forces physiques en jeu dans un système, comment vous arrivez à caractériser à partir de vos modèles ces courants qui sillonnent l'océan? Et comment on peut expliquer l'existence d'un océan liquide sans atmosphère dans un environnement confiné? Donc effectivement, première question, c'est de comprendre comment cet océan peut rester liquide sans atmosphère. C'est ça qui est excitant, hein. C'est un système complètement exotique. Et donc pour ça, il faut identifier les sources de chaleur. La chose la plus raisonnable, il y a deux sources de chaleur très raisonnables. D'abord, le noyau de la planète émet un flux radiogénique, c'est comme sur Terre, hein. Le centre de la planète est chaud, de la Lune en l'occurrence est chaud. Et donc ça émet de la chaleur qui peut être suffisante pour rendre la couche de glace liquide dans une partie intérieure. Un autre phénomène qu'on comprend très bien, c'est les effets de marée. Il ne faut pas oublier que dans ce genre de lune, que ce soit Mimas ou Europe, on a une planète mère qui exerce une force gravitationnelle très intense. Et donc, au cours de l'orbite de la Lune, il y a des forces de marée qui la déforment. Donc, il faut imaginer une sphère qu'on déforme périodiquement. Et donc ça, c'est une source de chaleur, ça va réchauffer l'océan. Il n'y a pas d'atmosphère en surface. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse à l'intérieur, à la surface, on aura de la glace, parce que l'absence d'atmosphère empêche l'eau de rester liquide. Mais sous cette couche de glace, si on met suffisamment d'énergie, l'eau peut devenir liquide. Et nous, ensuite, notre rôle dans les modélisations numériques, ça va être d'essayer de faire des modèles et de voir si c'est compatible, si les effets physiques qu'on rajoute, comme l'effet du champ magnétique, sont compatibles avec cette existence, ce type de chauffage, la température attendue, etc. Merci Céline Lozène pour ce reportage. Valérie Lenné, une réaction à ce qu'on entend? Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit toute la panoplie en fait de différentes techniques et disciplines qui sont utilisées pour pouvoir s'intéresser à ces lunes et vraiment les décrire et les comprendre. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé, moi j'ai beaucoup travaillé sur les images de la caméra visible Cassini, la caméra ISS. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la radioscience, il y a aussi le champ magnétique comme on le voit ici. Et puis on voit également que sur Terre également, il y a des chercheurs qui font des expériences, qui essaient de reproduire les conditions qui ont lieu sur ces objets célestes et qui essaient de comprendre finalement, de caractériser la physique qui a lieu. Athéna Kousnidis. Oui, tout à fait. En plus, ce qu'il vient de nous décrire, c'est exactement la technique qu'on utilise aussi pour détecter l'océan subglaciaire sur Ganymède. Parce que Ganymède, c'est un des rares objets du système solaire. Ils ne sont que trois, avec Mercure et la Terre, qui ont un champ magnétique induit. Et ce champ magnétique induit, on pense que c'est causé par une couche conductrice à l'intérieur, comme il vient de l'expliquer. Et justement, ce milieu conducteur, on pense que c'est un océan d'eau liquide. Donc là aussi, c'est une détection indirecte, mais qui se repose bien sûr sur des données scientifiques. Et c'est ça qui nous a aider à mettre Ganymède en avant pour une exploration future. Oui, puisque Ganymède, comme vous dites, un des rares corps du système solaire à avoir un champ magnétique. Un champ magnétique, ça signifie aussi que ça protège ce corps des particules cosmiques. C'est tout à fait une des je dirais, conditions qu'on met en avant quand on parle d'un monde habitable et un monde qui, par ailleurs, une fois qu'il s'est formé, une fois qu'il a une atmosphère, une fois qu'il y a l'eau, les océans, etc., il a besoin de les protéger pour que la vie puisse émerger, hein, parce que la vie a besoin d'un certain temps hein, pour arriver à émerger, en tout cas pour devenir comme nous aujourd'hui, parce que les gens, quand on parle de vie, ils imaginent tout de suite des petits bonhommes verts, alors que nous, ce qu'on cherche, quand on cherche la vie primitive, eh ben, un champ magnétique, ça vous protège. Et c'est ça qu'on a sur Terre, comme je le disais tout à l'heure, qui fait que notre atmosphère et la vie humaine au niveau de la surface est protégée des rayons cosmiques, du flux solaire, de tous ces aspects qui sont assez destructeurs dans le reste du système solaire. À propos d'habitabilité, alors la zone d'habitabilité jusqu'à peu, c'était entre Vénus et Mars, c'est-à-dire à la bonne distance de l'étoile, ni trop chaude ni trop froide pour qu'on puisse trouver de l'eau à l'état liquide. Bon, avec cette découverte, ça remet complètement en question cette définition. Athéna Kousnaïs, généralement on distingue quatre conditions pour l'habitabilité. Quelles sont ces quatre conditions? On a évoqué déjà les fameux schnapps. Oui. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui, Natacha? Les schnapps. Oui, et surtout la zone d'habitabilité traditionnelle avait le bon goût d'avoir la Terre au milieu. Donc ça, c'était super, hein, parce que effectivement, nous avons de l'eau au niveau de la surface de notre planète. Donc de l'eau liquide, on en a besoin, et on a besoin des sources d'énergie qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce qu'effectivement, sans les sources d'énergie, on peut pas, le métabolisme ne peut pas non plus opérer. Et dans notre cas, sur Terre, c'est le soleil. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'autres sources d'énergie qui peuvent exister. Et il faut aussi un environnement stable. On dit toujours, il y a quatre conditions quand même. L'environnement stable, ça signifie que nous ne sommes pas dans un système qui risque de disparaître parce que vous êtes dans un système avec deux soleils ou alors en pleine évolution avec du volcanisme ou d'autres phénomènes qui ne sont pas très propices à la vie. Donc effectivement, la zone d'habitabilité, avec ces quatre conditions-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que effectivement, Mars, qu'on a exploré avec plus d'une cinquantaine de missions dans les 60 dernières années, a pu avoir des conditions habitables par le passé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on continue d'explorer Mars, non pas parce qu'on va trouver la vie aujourd'hui, mais il nous faut quand même trouver des traces. Ce serait une découverte incroyable, même si on trouve des traces de vie passée ou que ce soit ailleurs, ça veut dire que la vie a pu émerger à deux endroits au moins différents. Et ça, c'est une découverte énorme. Donc, même si on ne trouve pas la vie au jour d'aujourd'hui, trouver la vie passée, des signes de vie passée, c'est une découverte énorme. Pour Vénus, je ne vous en parle même pas, parce que comme pour Io, tout à l'heure, évoqué Valérie avec 400 volcans au niveau de la surface, Vénus avec 500 degrés de température au niveau de la surface et une atmosphère toxique de CO2 ne peut aujourd'hui, ne représente pas un monde habitable. Et c'est pour ça que petit à petit, on s'est déplacé vers le système solaire externe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ces mondes avec des océans liquides sous la surface. Valérie Léné, ces quatre conditions, ces schnapps, de l'eau liquide, de l'énergie, cet environnement stable, ces quatre conditions pourraient être réunies sur ces lunes glacées? Oui, alors ce qui est intéressant, bon, il y a le facteur température qui est important également. Donc quand on parle de... Alors je vais parler de mi-masse là pour le coup. Quand on parle donc de température d'océan, donc je vais regarder notamment sur Internet où on a pas mal de commentaires sur les questions de température, etc. Bon, la température de l'océan de mi-masse typiquement est autour de 0 degré Celsius. Mais ce qu'il faut voir, c'est que mi-masse, en cela des d'autres lunes, Europe, ce qui est intéressant, c'est de voir la température que vous allez avoir au niveau du plancher océanique. C'est-à-dire là où l'eau est en contact avec le noyau de roche. C'est là où vous allez avoir une chimie qui va être intéressante, qui va pouvoir se développer. Et dans le cas de mi-masse, on n'a pas encore de calcul, disons, extrêmement précis, mais dans une fourchette de plusieurs dizaines de degrés Celsius, ce qui est très comparable avec Encelade, on pourrait avoir plusieurs dizaines de degrés Celsius à la surface, au plancher océanique. Donc, effectivement, il faut de l'eau liquide, cette proximité avec la roche, et puis une température assez importante qui permet d'avoir une chimie de développer rapidement. Oui, c'est ça, Athéna Kousnaïs, c'est que l'eau liquide qui se trouve directement en contact avec le manteau rocheux de la Lune, ça permettrait justement une chimie complexe du type de celle qui a conduit l'apparition de la vie sur Terre? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a d'ailleurs dans les océans terrestres, on a les black smokers, les fumeurs noirs, ou blancs d'ailleurs, qui sont des endroits où effectivement ces réactions chimiques donnent lieu à des augmentations de la température. température. Et là, arrivent à vivre dans des conditions assez extrêmes, des organismes. Hein, j'ai entendu même parler de crevettes hein, qui font des formes de petites colonies tout autour. Et donc, la vie n'a aucun problème à apparaître et à survivre dans des conditions que nous, on considère parfaitement extrêmes, que ce soit froid, que ce soit trop chaud, que ce soit des pressions élevées, ou alors au fond des océans. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de serpentinisation, en quelque sorte. C'est un phénomène complexe, mais qui donne naissance effectivement à toute cette énergie par phénomène exogène. Et du coup, on cherche ça aussi, pourquoi pas, au fond des océans, mais surtout d'Europe et d'Encelade. Je ne sais pas encore pour Mimas, parce que là, on sait que l'océan dont on parle peut être en contact avec le corps silicate. Alors, il faudrait donc un peu mieux déterminer les caractéristiques de ces océans subglaciaires. Mais comment faire? C'est la contre-enjeu des missions JUICE, Europa Clipper et Dragonfly. Restez à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Athéna Koustenis et Valérie Lenné, on parle des océans subglaciaires qui se cachent dans les profondeurs des lunes de notre système solaire. Alors plusieurs missions s'attellent à cette question. La mission JUICE, un des plus grands événements scientifiques de 2023, et la mission Europa Clipper qui devrait décoller à la fin de l'année. Elles ont pour cible privilégiée les lunes Europe et Ganymède. Alors Europa Clipper devrait être en orbite autour de Jupiter en 2031. JUICE devrait être en orbite autour de Ganymède en 2034. Alors vous, Athéna Koustenis, vous avez co-dirigé la mise en place et le développement de la mission JUICE. Comment va-t-elle s'y prendre pour mieux définir ces océans? Alors tout d'abord, elles vont arriver pratiquement au même moment, les deux missions. Parce que JUICE est prévu pour la mi-2031 et Europa Clipper, qui part en octobre 2024, mais avec une fusée un tout petit peu plus forte, espère arriver avant nous, mais moi je dis au même moment. L'une c'est une mission de la NASA, l'autre une mission européenne, JUICE, qui nous a pris beaucoup de temps à en mettre en place, mais on était convaincus que retourner dans le système de Jupiter pour étudier ces deux lunes était extrêmement important. D'ailleurs, JUICE, que j'ai eu le plaisir de voir partir en avril 2023 de Kourou, c'était un moment de grande émotion parce qu'on a mis quand même 13 ans pour la mettre en place. Ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps. Va faire plusieurs survols, dont de la Terre, mais aussi, bien entendu, de Mars et de plusieurs astéroïdes sur son chemin et de Vénus. Et arrivé sur place, on a une panoplie d'instruments, des caméras, pour faire des expériences radio, des radars qui vont percer la glace, aussi de toute une panoplie, aussi toute une kyrielle d'instruments qui vont étudier le champ magnétique de Jupiter, le champ magnétique dans le voisinage de Ganymède et le champ induit dont on parlait tout à l'heure, parce que vous avez trois composantes qui sont extrêmement connectées et qu'il faut une mission sur place pour les distinguer. Et puis, on va faire aussi deux survols d'Europe. La raison pour laquelle on ne peut pas mettre un orbiteur autour d'Europe est que Europa Clipper est en fait une mission d'une cinquantaine de survols d'Europe et que le champ de radiation de Jupiter au voisinage d'Europe, qui est beaucoup plus proche de la planète géante, est terrible. Ça détruit tous les instruments, ça peut fausser toutes les mesures, donc on ne peut pas le faire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle qu'on n'a pas prévu un atterrisseur pour le moment. Ce n'est pas possible de le faire avec les connaissances technologiques que nous avons au jour d'aujourd'hui. Mais avec les survols, on arrivera quand même à déterminer avec des instruments d'ailleurs assez complémentaires, je dirais, entre Europa Clipper et JUICE, les caractéristiques de ces océans. L'objectif, Valérie Lenné, ce qu'il faut dire, l'objectif de ces missions, ce n'est pas de trouver des traces de vie. Non, ce n'est pas de trouver des traces de vie. Pour l'instant, c'est vraiment... on prend l'exemple de Ganymède et d'Europe, c'est vraiment de caractériser ces océans. Donc, quelle est l'épaisseur de ces océans? Quelle est l'épaisseur de la couche de glace? Ça, c'est le genre de choses qu'on veut mieux comprendre. Quelque chose qui n'est pas du tout connu à l'heure actuelle, c'est l'âge de ces océans. Ils y ont plus de 25 millions d'années, ça, bien sûr. Mais on ne connaît pas du tout l'âge de ces océans. Est-ce qu'ils sont là depuis des centaines et des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années? Tout ça, ce sont des questions ouvertes. Et on a besoin de plus de données, en réalité, pour pouvoir avancer dans ces questions-là. Oui, il y a Athéna Koustenis, comme vous disiez, il y aura donc une douzaine d'instruments par mission spatiale, mais tout ça, ce sont deux missions, mais qui vont avoir des mesures complémentaires. Oui, et en plus, on va pouvoir connaître quelque chose de leur composition. Comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces océans, parce qu'on a parlé de sel. Mais moi, je pense aussi à d'autres éléments, comme par exemple un antigel, très pratique. Hein, quand vous avez un océan de liquide à cette température, qui est l'ammoniac, par exemple, on cherche toujours voir si dans la composition, il y a un élément qui permet à l'eau de rester liquide plus longtemps. Et cette composition, à l'intérieur, va nous apprendre aussi beaucoup de choses sur l'origine et comment a évolué cet objet. Et ça va répondre à la question que Valérie posait, de savoir quel est son âge, comment est-ce que ces satellites... Parce qu'au début, on parlait dans... Ça m'a frappé d'ailleurs, quand on écoutait l'extrait sur Voyager, on parlait de 6 ou 7, 7 ou 8 satellites. Nous en sommes à 80 ou 90 satellites aujourd'hui découverts autour de, que ce soit Jupiter ou Saturne. Donc, vous imaginez que là, on a vraiment toute une palette. On a de quoi travailler pendant des années et des années. Et tous ces satellites ont des caractéristiques assez unique qu'on va étudier. Puis on a aussi la mission Dragonfly pour Titan. Ça, c'est un drone qui va étudier in situ Titan. Le lancement est programmé en 2027 pour un atterrissage et un début des opérations dès 2034, c'est ça? C'est extraordinaire. On n'arrête pas le progrès parce que tout le monde parle de drone. Hein. En ce moment, tu ne peux rien faire sans qu'il y ait un drone au-dessus pour prendre des photos, des vidéos. Et bien là, on a imaginé un drone sur Titan parce qu'on ne peut pas rouler sur Titan. La surface est boueuse. Mais avec un drone, on va pouvoir aller d'un endroit à l'autre, se poser. Et la mission Dragonfly, elle, par contre, elle a exactement comme objectif de détecter des biosignatures au niveau de la surface de Titan. On arrive à la toute fin de cette émission. Valérie Lenné, les prochaines missions vers Saturne vont-elles s'intéresser à Mimas? Alors, dans les projets de mission, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça va être difficile de passer à côté de Mimas. Vous avez des projets de mission spatiale qui veulent revenir autour d'Encelade, par exemple. Il est relativement clair que Mimas, maintenant, devrait être ajouté dans la liste. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Dans quelques instants, on vous parle de toute autre chose avec la chronique Avec Science, mais je vous invite à écouter notre podcast, notre émission Juice, Décrocher les lunes, pour tout savoir sur cette odyssée. Merci à vous deux, merci de nous avoir fait voyager, rêver. On retrouve à présent Alexandra Delbo. On tend l'oreille pour écouter le chant des baleines, c'est la chronique Avec Science. Comment les baleines parviennent-elles à chanter? C'est l'une des deux compétences rares que cumulent les baleines à fanons, qu'on appelle aussi les mysticètes. Les mâles sont capables de chanter. Ces vocalisations semblent remplir plusieurs fonctions. Depuis les années 70, on sait qu'elles ont un rôle reproducteur, une implication dans la compétition entre mâles, et juste après la phase d'alimentation, le chant serait un top départ pour la migration vers les eaux tempérées. Mais les inconnues sont encore nombreuses. Par exemple, nous sommes encore incapables de déchiffrer la mélodie des baleines. Et il a fallu attendre 2013 pour comprendre comment ce son est généré. Cette capacité est liée à la seconde particularité des baleines, et pas des moindres, elles sont apnéistes, ce qui nécessite plusieurs adaptations, puisque comme tous les mammifères, elles ont des poils. Oui, les baleines ont des poils, elles ont des mamelles et des poumons, mais pas de corde vocale. Le secret de leur vocalisation se trouve dans leur larynx. Et plus précisément, elles disposent d'une poche pour stocker de l'air et faire de l'apnée. Et c'est ce sac qui leur permet de chanter. Olivier Adam est chercheur en bioacoustique, professeur à Sorbonne Université et découvreur originel de cette structure. Cette poche qu'on appelle le sac laryngé est fixée à la trachée avec deux cartilages. Ces cartilages sont à peu près 30 cm de long. Ils sont en parallèle et le sac est accroché à ces cartilages. Et ce que va faire la baleine, c'est qu'elle va ouvrir les cartilages pour laisser passer de l'air. Et après, elle va fermer les cartilages pour séparer l'air qu'il y a de ses poumons et l'air qu'il y a dans le sac laryngé. Et ce qu'on a noté avec John Redenberg, c'est que ces cartilages étaient recouverts d'une membrane plus ou moins épaisse. Et ce que va faire la baleine, au lieu d'ouvrir en très grand les cartilages, elle va ouvrir légèrement ces cartilages et les membranes qui les recouvrent vont se mettre à vibrer lorsque le flux d'air vient des poumons et remplit le sac laryngé. Un peu comme lorsque vous soufflez entre vos deux paumes de main qui sont l'une contre l'autre, et ben la peau va se mettre un peu à vibrer au passage du flux d'air Et c'est ce qui explique en fait le son que ça produit, quoi. Une première partie du travail est donc faite. Ces deux chercheurs ont bien mesuré toute l'anatomie du larynx, la longueur de ses cartilages, l'épaisseur des membranes, ainsi que les différentes ouvertures possibles, longitudinales, en V ou en biseau. Bref, c'est ça qui permettait, il y a 10 ans, de comprendre ce qui fait la complexité et la diversité de ces vocalisations. Donc, on en savait déjà beaucoup, mais disons que les mesures étaient un peu rudimentaires. Et c'est normal. Ce qu'apporte cette nouvelle étude paru dans Nature, c'est donc davantage de précision. Au lieu de mesurer avec un double décimètre les différentes parties de ce larynx si particulier, ces scientifiques les ont fait passer au scanner. Résultat, ces données révèlent, avec un niveau de détail sans précédent, les structures impliquées dans ces vocalisations et une nouvelle membrane adipeuse semble elle aussi entrer en jeu dans ces champs. Ils ont utilisé une méthode qui est beaucoup plus fine et moderne que celle que nous on a fait. Nous on a fait de l'anatomie genre Moyen-Âge. Eux, ils ont utilisé un CT scan, c'est un scanner. On prend une partie anatomique, on le met dans le CT scan et le CT scan sort des informations beaucoup plus précises sur le volume, sur la texture, les tissus, est-ce que ce sont des os, des cartilages, des vaisseaux sanguins, etc. Donc on a des informations beaucoup plus fines et beaucoup plus précises. Ils ont mis en avant la place d'un tissu graisseux qui est au-dessus des cartilages. Et nous, on a ce qu'on avait dit dans l'article, c'est qu'en fait, ce bouchon, en fait, vient rendre totalement hermétique la trachée, et ce qui fait qu'en fait, l'air qui est dans les poumons est totalement déconnecté que l'air qu'il y a dans le sac laryngé. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que quand la baleine ouvre les deux cartilages et que le flux d'air arrive des poumons, eh ben, il va faire vibrer aussi ce coussin graisseux. Et donc, en fait, ça contribue, c'est pas forcément qu'un dipôle acoustique qui est généré que par les deux membranes qui recouvrent les deux cartilages, mais aussi avec ce coussin qui peut se mettre à vibrer. Ces résultats ont permis de faire des modélisations de ces larynx et c'est essentiel pour déterminer les limites physiques et acoustiques des vocalisations, pour borner en quelque sorte en durée et en fréquence les sons que les baleines à fanons sont capables d'émettre. Et puisque, comme chez nous, chaque individu est unique, c'est un pas supplémentaire vers la découverte de la signature acoustique individuelle des baleines et donc l'objectif final sera de pouvoir les reconnaître à leur voix. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Eve Etienne, Garance Prima, Agnolo. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.